إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، on continue cette série donc de l'Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala avec l'explication de Sheikh Zayd bin Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Et donc on avait fait une introduction par rapport à l'importance du comportement dans le premier cours. Ensuite, on était rentré à proprement parler dans le chapitre ou dans le livre et par le chapitre Bab qawlihi ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Et donc aujourd'hui, on va s'attacher à étudier le chapitre qui concerne la mère, ensuite le chapitre qui concerne le père. Et puis, bi'innillahi ta'ala, on va essayer de donner un exemple concret tiré de Sahih Muslim, qui est l'histoire de Uwais al-Qarani. L'imam ici, al-Bukhari, rahimahullah, il dit « Babu bir al-um, haddathana Abu Asim, an Bahzi ibn Hakim, an Abihi, an Jaddih, qultu ya Rasulallah, man abar, qala ummak, qultu man abar, qala ummak, qultu man abar, qala ummak, قلت من أبر قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. Donc l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, il dit: chapitre de la bonté et de la bienfaisance envers la mère. Abu Asim nous a dit, on a déjà expliqué la différence entre haddathana et akhbarana dans le cours passé avec l'explication de Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, et on a montré par cela la précision des ulama du hadith. Et ici le mot utilisé est haddathana. D'après Bahz ibn Hakim, d'après son père, d'après son grand-père, qui dit: ô messager d'Allah, envers qui dois-je être bon? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: envers ta mère. J'ai dit: envers qui dois-je être bon? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: envers ta mère. J'ai dit: envers qui dois-je être bon? Il répondit alayhi salatu wassalam: envers ta mère. J'ai dit: envers qui dois-je être bon? Il dit sallallahu alayhi wassalam: envers ton père, puis ceux qui sont les plus proches de toi, et ainsi de suite. Qu'est-ce que cela veut dire? On a l'explication de Sheikh Zayd al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Il dit: هذا الحديث الجليل فيه توجيه رحيم ممن وصفه ربه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم نبينا محمد صلى الله عليه من ربه أزكى الصلاة وأتم التسليم ولابد من التقيد به، فالأم لما لها من الفضل والمتاعب في حالات متعددة في حال بدء الحمل تعاني أمراضا شديدة، وهذا يعرف النساء يسمونه الوحم، وفي حالة الحمل وفي حال الحمل الذي أغلبه يعني تسعة أشهر تحمله في بطنها مع القيام بالمتاعب والخدمات التي تزاولها، وإذا جاء دور الولادة فهي معرضة للتعب الكبير والخطر الشديد حتى تلد، ثم يأتي دور الرعاية في حال الطفولة من العناية بالولد لإرضاعه وتنظيفه من الأذى والخوف عليه وحمله إلى ما هو معروف عند الناس. جاء لها ثلاثة أنواع البر، وهذا من عدل الإسلام، والأب له متاعب ولكن جاء في المرتبة الأخيرة لا يهون من حقه، ولكن حق الأم أضعاف ما للأب، فالأب يحن على الولد وينفق عليه ويعمل الأسباب من أجل أن يصبح الابن رجلا صالحا إن كان ذكرا، وخير ما وخير ما يقدمه الأب لابنه تعليمه العلم الشرعي وربطه بتعاليم الإسلام ورعايته في هذا الجانب العظيم وحماية جسده وحماية أخلاقه ورعايته رعاية كاملة يؤجر عليها. فكم له من الأجر عند الله تبارك وتعالى. ومثل الذكر في العناية من الأبوين الأنثى، هذا بالنسبة للأب. أما الأم فأجرها أيضا على قدر إحسانها إلى الابن أو والبنت، وقد رأيت أن الشرع الحكيم أعطاها ثلاثة أرباع البر. كيسكو سافيدي شيخ زيد المدخلي ليكسبيك أن ديزون رحمه الله: il y a dans ce noble hadith une orientation miséricordieuse de la part de celui qui a été décrit par son Seigneur comme étant miséricordieux et compatissant envers les croyants. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que soit sur lui de la part de son Seigneur le plus pur des éloges et la plus complète des salutations. Il est obligatoire de s'y tenir, car la mère, en raison de ce qu'elle détient comme préséance et en raison des fatigues dans de nombreuses situations, elle souffre de maladies sévères au début de la grossesse. Et cela est connu par les femmes comme étant le waham. Le waham, c'est-à-dire qu'en général on traduit ça en français par ce sont les envies que les femmes enceintes elles ont. Et pendant la grossesse, qui est de 9 mois dans la majorité des cas, elle le porte dans son ventre. C'est-à-dire que la période de waham, la femme elle a des difficultés, elle a des envies, etc. C'est une période où elle est différente de d'habitude à cause de sa grossesse. Et donc pendant la grossesse qui est de 9 mois dans la majorité des cas, elle porte dans son ventre tout en s'acquittant, elle le porte dans son ventre tout en s'acquittant des choses difficiles et des tâches qu'elle exerce déjà d'habitude. Et lorsqu'arrive le temps de l'accouchement, elle est alors exposée à la grande fatigue et au grand danger aussi, jusqu'à ce qu'elle accouche. Puis ensuite arrive le temps de la protection et des soins pendant l'enfance. En s'occupant de l'enfant et en l'allaitant et en le nettoyant des saletés et en ayant peur pour lui, et en le portant, et d'autres choses qui sont connues par les gens. Eh bien, leurs trois genres de bonté lui sont réservés à elle, et cela fait partie de la justice et de l'équité de l'islam. Et le père a aussi des difficultés, mais il arrive au dernier degré. Et on ne néglige pas son droit, mais le droit de la mère est de multiples fois supérieur à ce dont le père a droit. Le père, lui, éprouve de la tendresse envers l'enfant, et subvient à ses besoins, et fait les causes qui permettront au fils de devenir un homme vertueux. Si l'enfant est un mâle, et la meilleure des choses qu'offre le père à son fils est de lui enseigner la science de la religion et de l'attacher aux enseignements de l'islam. Et sa protection dans ce sens est une chose très importante, tout en protégeant son corps et en protégeant son comportement et en le protégeant d'une protection complète pour laquelle il est récompensé le père, et donc comme est grande la rétribution qu'il obtient auprès d'Allah le Très-Haut. La femelle, c'est-à-dire la fille, est au même titre que le mâle, que le garçon en termes de protection et d'attention de la part des parents. Ceci était au sujet du père. Quant à la mère, sa récompense est aussi proportionnelle à sa bonté envers le fils et la fille, et tu avais dans le hadith cité ci-dessus ce que le législateur sage lui a donné, et ce sont les trois quarts de la bonté. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس رضي الله عنهما لما سألت عن حياة أمه؟ فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. Deuxième hadith de ce chapitre sur la bonté envers la mère et la bienfaisance envers la mère. Sa'id ibn Abi Maryam nous a dit, et pour ceux qui n'étaient pas là au premier cours, il n'y a pas de mal à ce qu'on répète la différence entre haddathana et akhbarana, ou haddathani et akhbarani. Cheikh l'Albani, quand il fait ce miséricorde, il dit que la différence entre les deux termes, haddathana et akhbarana, que l'ikhbar est plus général que al-tahdith. Celui qui a entendu le hadith directement du cheikh, il dit haddathana. Tandis que s'il n'a pas entendu directement du cheikh, mais qu'il lui a écrit, alors il dit par précision dans la parole, akhbarana. Et donc c'est une différence entre les deux. Donc ici, al-tahdith est plus spécifique et l'ikhbar, il est plus général. Donc c'est la manière de de prendre le hadith ici qui diffère. Donc, qu'est-ce que ce hadith ? Mohammed ibn Ja'far ibn Abi Katir nous a informé en disant, Zayd ibn Aslam m'a informé d'après Ata ibn Yassar, d'après Ibn Abbas, qu'Allah les agrée tous les deux, qu'un homme est venu le voir. Il est venu voir Ibn Abbas, le noble compagnon, et a dit, j'ai demandé une femme en mariage, et elle a refusé de se marier avec moi. Et un autre l'a demandé en mariage, et elle a voulu, elle a aimé se marier avec lui. Et je fus donc jaloux envers elle, et je l'ai donc tuée, cette femme. Est-ce qu'il y a un repentir pour moi ? Il dit, c'est-à-dire il répondit, Ibn Abbas, est-ce que ta mère est en vie ? Il répondit, non. Il dit, repends-toi à Allah le Très-Haut et rapproche-toi de lui par les actes vertueux autant que tu en es capable. Ensuite, il dit, je suis allé donc aller questionner Ibn Abbas, car elle les agrée tous les deux. Pourquoi lui as-tu demandé si sa mère était en vie ? Il répondit, Ibn Abbas, je connais aucun acte qui soit aussi proche d'Allah le Très-Haut que la bonté envers la mère. Cheikh Zayd, il explique cela en disant, et ici, quand on a dit que c'était un hadith, c'est plus dans le sens ici que c'est un athar mawquf, c'est-à-dire que c'est la parole d'Ibn Abbas, et c'est pas la parole du prophète Ali salatu salam. Bayan ma lil walidati min al huquq ala al ibn dhakaran kana aw untha wa qad nuqad taqaddama ma'ana su'al al sa'il alladhi qala lin nabi sallallahu alayhi wa sallam man abbaru ya rasul Allah qala lahu ummak faraddada alayhi wa huwa yaqulu lahu أمك ثلاث مرات ثم أباك في الرابعة وهو دليل على أن للأم من الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى على المسلم ما لم يكن لغيرها من الآباء والأبناء وسائر الأقارب. Eh bien, il y a dans ce récit rapporté dans ce Athar Mawquf, et si les frères et les sœurs qui veulent une définition plus précise du Mawquf ici, eh bien, je vous donne une définition, vous pouvez la noter, inshallah. C'est ce qui est attribué au compagnon en termes de parole ou d'action ou d'approbation. Donc c'est ce qui est attribué au compagnon en termes de parole ou d'action ou d'approbation. Ici en l'occurrence c'était Ibn Abbas radiallahu anhuma. Si vous voulez la référence, c'est un livre dans le Mustalah que je vous recommande, qui est très facile pour les débutants. C'est Min Atyab al-Binah fi ilm al-Mustalah, qui est écrit par Cheikh Mohsen Abbad, qu'Allah le préserve, et Cheikh Abdel Karim Mourad, qu'Allah lui fasse miséricorde, et c'est la page 47 du livre. Qu'est-ce que Cheikh Zayd dit par rapport à ce Athar Mawquf, ici, cette parole d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma ? Eh bien, il y a dans ce récit rapporté, dans ce Athar Mawquf, la mise en évidence de ce que la mère a comme droit sur l'enfant, que l'enfant soit un mâle ou une femelle. Et nous avons vu précédemment la question de celui qui a demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, envers qui dois-je être bon, au messager d'Allah ? Il répondit, sallallahu alayhi wassalam, envers ta mère. Et il a répété cela, sallallahu alayhi wassalam, en disant envers ta mère, trois fois. Puis après, il a dit envers ton père lors de la quatrième fois. Et ceci est une preuve que la mère a des droits après le droit d'Allah le Très-Haut sur le musulman que personne d'autre n'a parmi les pères, ni les fils et tous les autres proches. Il y a dans ce récit une preuve. وفيه دليل على أن باب التوبة مفتوح للمذنب إذا وقع في ذنب من الذنوب هو على قيد الحياة ورغب في التوبة فإن الله يقبل توبته إذا توفرت شروطها التي هي ترك الذنب والعزم على عدم العود إليه والندم على فعله فإن توبته تقبل مهما كان جرمه فأعظم الذنوب على الإطلاق الإشراك بالله تبارك وتعالى فإذا وقع مسلم في الشرك أو ارتد عن إسلامه وأراد أن يتوب فإنه يرشد إلى التوبة وأنها تقبل منه ولا يحجب عن التوبة مذنب صادق في توبته وفي قصة الرجل الذي في بني إسرائيل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب وأخذ يسأل عن العلماء فدله بعض الناس على راهب عابد فذهب إليه وقال له إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال لا توبة لك فقتله وأكمل به 100 ثم ذهب يلتمس يسأل فدله بعض الناس على عالم من العلماء فسأله نفس السؤال الذي سأله الراهب فقال له هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة هي هذا وأرشده إلى التوبة وقال له هاجر من بلدك فإنها بلد سوء إلى قوم كذا وكذا فاعبد الله معهم فانطلق مستبشرا بذلك إلى القرية التي أرشده العالم بالذهاب إليها فلما كان في منتصف الطريق وافاه الأجل قبل أن يصل إلى القرية فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول أتى تائبا فهو من نصيبنا، وملائكة العذاب يقولون لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله ملكا في صورة آدمي فحكم بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، أي مع أيهم يكون، فقال لهم يكون مع أهل الأرض التي هو إليه أقرب، أي إن كان إلى الأرض التي يريدها أقرب فهو لملائكة الرحمة، وإن كان أرض سوء التي خرج منها أقرب فهو لملائكة العذاب. فجاء في بعض الروايات أنه نأى بصدره إلى الأرض الطيبة فصار إلى الأرض التي يريد الهجرة إليها أقرب، فأخذته ملائكة الرحمة. Ici, il y a dans ce récit une preuve que la porte du repentir est ouverte au pécheur qui a commis un péché parmi les péchés tant qu'il est vivant. Et il a incité au repentir car Allah subhanahu wa ta'ala accepte son repentir si les conditions du repentir sont réunies. Il est incité au repentir car Allah accepte son repentir si les conditions du repentir sont réunies. Et ces conditions sont les suivantes. Abandonner le péché, la résolution de ne plus commettre ce péché, le regret de l'avoir commis. Le repentir est accepté quelle que soit la gravité du péché, car le plus grave des péchés de manière absolue est d'associer Allah le Très-Haut dans l'adoration, c'est-à-dire le shirk. Et si le musulman tombe dans l'association, le shirk, et apostasie et sort de l'islam, et qu'il veut se repentir, il est alors orienté vers le repentir, et cela est accepté de sa part. Et celui qui a commis un péché mais est véridique, le repentir ne lui est pas empêché. Il y a dans le récit de l'homme parmi les fils d'Israël qui avait tué 99 âmes, puis a voulu se repentir et a commencé à questionner les savants. Certaines gens l'ont orienté vers un moine versé dans l'adoration. Il s'est donc rendu chez lui et lui a dit « J'ai certes tué 99 âmes, est-ce qu'il y a un repentir pour moi ?» Il lui répondit « Il n'y a pas de repentir pour toi. » Il le tua donc et compléta le chiffre de 100 en le tuant. Puis il partit cherchant et questionnant certains gens, l'orientèrent vers un savant parmi les savants. Et il le questionna de la même manière qu'il questionna le moine et lui dit « Est-ce qu'il y a un repentir pour moi ?» Il lui répondit « Oh toi, qui peut se mettre entre toi et le repentir ?» Et il l'orienta vers le fait de se repentir et lui dit « Émigre de ta contrée, c'est-à-dire quitte ta contrée où tu vis, car c'est une contrée du mal, et va vers tel et tel peuple et adore Allah Azza wa Jal avec eux, en leur compagnie. » Et donc il partit réjoui par cela vers le village vers lequel le savant lui avait conseillé d'aller, la région vers laquelle le savant lui avait conseillé d'aller. Et lorsqu'il fut à la moitié du chemin, il mourut avant d'arriver au village. Et les anges de la miséricorde et les anges du châtiment se disputèrent à son sujet. Les anges de la miséricorde disant qu'il est venu se repentant et que donc il est à nous. Et les anges du châtiment disant qu'il n'avait jamais fait de bien. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala envoya un ange sous la forme d'un être humain qui jugea entre les anges de la miséricorde et les anges du châtiment. C'est-à-dire, avec qui cet homme sera-t-il ? Sera-t-il pris par les anges de la miséricorde ou sera-t-il pris par les anges du châtiment ? Il leur dit alors, il sera avec les gens sur terre desquels il est le plus proche. C'est-à-dire que si la terre vers laquelle il voulait aller est plus proche, il sera alors pour les anges de la miséricorde. Et si la terre de mal dont il est sorti est plus proche, il serait alors pour les anges du châtiment. Il était rapporté dans certaines versions du hadith qu'il s'est rapproché par son torse de la bonne terre. Et donc il fut plus proche de la terre vers laquelle il voulait émigrer. Et donc il fut pris par les anges de la miséricorde. Et ceci est une preuve de l'immensité de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que celui qui est véridique dans son repentir, Allah le Très-Haut accepte son repentir. Et donc les péchés qui sont entre le serviteur et son Seigneur, Allah le Très-Haut pardonne tous les péchés. Et il ne le châtie pas s'il est véridique dans son repentir. Maintenant on a cité les trois conditions du repentir, mais ces conditions du repentir qu'on a citées, elles sont que quand la personne fait un péché qui n'est pas lié à un droit des gens. On le répète, c'était abandonner le péché, la résolution de ne plus commettre ce péché, même si après il le recommet, mais là à ce moment-là il prend la résolution ferme de ne plus jamais faire ce péché, le regret de l'avoir commis. Mais maintenant, si le péché est lié au droit des gens, et parmi eux le droit du sang, alors le sang a trois droits. Un droit pour celui qui est tué, un droit pour le proche qui demande la loi du talion ou le prix du sang, et puis il y a le droit d'Allah le Très-Haut. Et donc ce qui est du droit d'Allah tombe par le repentir sincère et véridique. Quant au droit, il reste les deux autres, il reste le droit du proche, et le choix lui est donné entre trois choses. Si le meurtre est intentionnel, le choix lui est donné entre trois choses. Soit que le meurtrier qui a tué son proche soit tué, évidemment ici c'est dans un cadre judiciaire avec des juges et un tribunal, etc., dans un pays musulman, et ce droit tombe par le remboursement, et le droit de celui qui a été tué, et son temps est passé, et donc ce droit reste jusqu'au jour du jugement dernier. Et celui qui a été tué va se plaindre de celui qui l'a tué devant Allah. Et il n'est pas permis de faire tomber son droit. Et en fonction de ce qu'il y a comme foi dans le cœur de celui qui s'est repenti, de repentir sincère, Allah le Très-Haut satisfera son antagoniste, ou son protagoniste plutôt ici, celui qui est contre lui, parce qu'il veut, et ce en raison de l'existence du repentir. Son antagoniste. Non. Et le témoin argumentatif de cela est qu'Ibn Abbas, quand il les agrée tous les deux, lui cherche une porte par laquelle il peut se repentir. C'est-à-dire, pourquoi il a cité ici l'imam Bukhari, et qui lui a dit ce Athar Mawquf qu'on a vu, et lorsqu'il lui a dit, est-ce que ta maman est vivante, est-ce que ta mère est vivante? Pourquoi il a cité ça? Alors qu'il a dit qu'il aimait une femme, et qu'elle voulait se marier avec elle, elle ne voulait pas, et puis qu'elle s'est mariée, elle voulait se marier avec quelqu'un d'autre, elle avait aimé se marier avec quelqu'un d'autre, et lui il était jaloux, et donc il l'a tué, cette femme, par jalousie. Et donc, la question que lui a posée Ibn Abbas, il a dit, est-ce que ta mère est vivante? Pourquoi il a posé cette question-là? Et pourquoi Ibn Bukhari, rahimahullah ta'ala, il rapporte cela ici, dans le cadre du chapitre de la bonté envers la mère? Ici, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre ce qu'on appelle dalil, et puis aussi ce qu'on appelle wajh al-istidlal. C'est-à-dire qu'on a une preuve qui est authentique ici, rapportée par le Bukhari, qui est une parole d'Ibn Abbas, le noble compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais maintenant, il faut comprendre comment ce athar, il est utilisé comme preuve pour ce qu'on veut ici affirmer. Et plus particulièrement, quel est le témoin argumentatif dans cette preuve qui prouve cela? Mais c'est ce qu'il explique cela, c'est ce qu'il explique ici l'imam Sheikh Zayd, rahimahullah ta'ala, il dit, et le témoin argumentatif de cela est qu'Ibn Abbas, quand il les agrée tous les deux, lui cherche une porte par laquelle il peut se repentir, car il a tué la femme de manière intentionnelle, car elle a refusé de se marier avec lui. Il n'y a aucun doute que le meurtre intentionnel est un crime très réprouvable dont Allah le Très-Haut a montré la gravité dans sa parole, dont la traduction du sens est « Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera alors l'enfer pour y demeurer éternellement. » Donc ici, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit ذلك دليل على سعة رحمة الله ومن سبحانه وتعالى ومن صدق في توبته في توبته فإن الله يقبل توبته فكما كان من الذنوب بين العبد وبين الله عز وجل فإن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يعاقب إذا صدق في التوبة وإن كان الذنب فيما يتعلق بحقوق العباد ومنها الدم فإن الدم فيه ثلاثة حقوق حق للمقتول وحق لولي الدم الذي يطالب بالقصاص أو الدية وحق الله تبارك وتعالى فما كان من حق الله فهو يسقط بالتوبة الصادقة النصوح وما كان من حق الولي فهو يخير بين ثلاثة أشياء إن كان القتل عمدا خير بين ثلاثة أمور بين القتل فيقتل القاتل الذي قتل قريبه وسقط هذا الحق بالاستيفاء وحق للمقتول وهذا فات أوانه فيبقى هذا الحق إلى يوم القيامة ويشكو المقتول من قتله بين يدي الله عز وجل ولا يسمح أن يسقط حقه وبحسب ما يقوم بقلب التائب من إيمان وتوبة صادقة فالله تبارك وتعالى يرضي خصمه بما يشاء ويريد لوجود التوبة. الشاهد من هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما التمس له بابا يتوب منه لما قتل المرأة عمدا لأنها أبت أن تتزوجه ولا شك أن قتل العمد جريمة منكرة وعظمها الله عز وجل لقوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ومع هذا ما حجبت عن هذا القاتل التوبة، بل أرشده ابن عباس رضي الله عنهما قال: ألك أم؟ يريد أن يرشده إلى برها، فإن بر الأم من أعظم الأعمال التي يؤجر عليها الإنسان، وتكفر بها سيئاته، وترفع بها درجاته. فقال لا، فأرشده إلى أن يعمل أعمال الخير التي يقدر عليها ويصدق في التوبة، والله غفور رحيم. وهذا ينبغي للعلماء أنهم لا يقنطون الناس من رحمة الله، فيلتمسون لهم أبواب الخير ويرشدونهم إلى الدخول إلى الله عز وجل منها، والله سمى نفسه الغفور الرحيم، فهو يغفر الذنوب المذنبين ويرحم المخطئين الذين تسلطت عليهم الشياطين، شياطين الإنس والجن، حتى وقعوا فيما وقعوا فيه من الذنوب الموبقة. الله montre la gravité du meurtre intentionnel dans sa parole, dont la traduction du sens est: quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Sourate Nisa, verset 93. Et malgré cela, le repentir n'a pas été empêché à cet homme qui avait tué. Mais au contraire, Ibn Abbas, qu'Allah le Très-Haut les agrée tous les deux, l'a orienté et lui a dit: as-tu une mère? Il voulait l'orienter vers le fait d'être bon envers elle. Car la bonté envers la mère fait partie des actions pour lesquelles l'être humain est le plus récompensé, et pour lesquelles ses péchés sont les plus expiés, et pour lesquels ses degrés sont le plus élevés. Et c'est pour ça, donc, Ibn Abbas, il a orienté cet homme qui avait tué cette femme par jalousie, parce qu'elle ne voulait pas se marier avec lui, mais elle voulait se marier avec un autre. Il lui a dit: est-ce que ta mère est vivante? Justement parce que, pour montrer, et c'est là qu'on voit ici l'importance de la bonté, la bienfaisance envers la mère. Il a répondu l'homme non, c'est-à-dire que sa mère n'était plus vivante. Et donc il n'avait plus cette porte pour pouvoir faire le khair, et pour pouvoir expier son péché. Et donc, Ibn Abbas, il l'orientait vers les actions de bien qu'il est capable de faire et d'être véridique dans son repentir. Et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Et c'est ce qui convient aux savants de faire, et c'est qu'ils ne jettent pas les gens dans le désespoir quant à la miséricorde d'Allah, et qu'ils leur trouvent les portes du bien, et qu'ils les orientent à y entrer vers Allah le Très-Haut. Et Allah s'est nommé lui-même le très pardonneur, le très miséricordieux. Donc il pardonne les péchés de ceux qui ont commis des péchés, et enveloppe de sa miséricorde ceux qui ont commis des erreurs parmi ceux qui ont été dominés par les démons humains et les démons des djinns, jusqu'à ce qu'ils tombent dans ce dans lequel ils sont tombés en termes de péché qui mène à la perdition, et qu'Allah nous préserve ainsi que vous de tout cela. Maintenant, nouveau chapitre, et il sera court, inshallah, et puis ensuite on fera une lecture un peu particulière sur un exemple justement qui concrétise et qui montre le degré que quelqu'un peut arriver, ou quelqu'un peut arriver en étant bon avec sa mère. Et c'est l'histoire de Ways al-Qarani qui est dans Sahih Muslim. Maintenant, chapitre ici dans l'Adab Mufrad Bab ou Bir al-Ab, chapitre de la bonté envers le père. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبرمة قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني؟ فقال بر أمك، ثم عاد فقال بر أمك، ثم عاد فقال بر أمك، ثم عاد الرابعة فقال بر أباك. والحديث صحيح. Chapitre de la bonté envers le père. Suleyman ibn Harb dit, Wahib ibn Khalid nous a dit d'après Ibn Shubrumah, qui dit: j'ai entendu Abu Zur'a qu'Abu Huraira radiallahu anhu a dit: il fut dit au messager d'Allah, envers qui devrais-je être bon et obéissant? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: ta mère. Il dit: puis qui? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: ta mère. Il dit: puis qui? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: ta mère. Il dit: puis qui? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: ton père. Bishr ibn Muhammad nous a dit: Abdullah nous a informé, et a dit Yahya ibn Ayyub nous a informé, et a dit Abu Zura nous a dit d'après Abu Huraira qu'Allah l'agré, qu'un homme est venu chez le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et a dit: que m'ordonnes-tu? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: sois bon envers ta mère. Puis il est revenu. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, sois bon envers ta mère. Puis il est revenu. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, sois bon envers ta mère. Avec ta mère. Puis il est revenu la quatrième fois. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, sois bon envers ton père. Maintenant, quelle est l'explication de Cheikh Zayd, rahimahullah ta'ala, par rapport à ce hadith? Ici, on a cité deux textes. دو حديث وهذين الحديثين بيان واضح وتوجيه نبوي كريم مقتضاهما أن من الواجبات العظيمة بر الوالدين غير أن للأم من البر ثلاثة أرباع البر وذلك لما تحملته من المشاق من بداية الحمل إلى ما لا نهاية له مدة حياتها في الحمل وفي الولادة وفي الرضاعة وفي التربية كما هو معلوم للعقلاء فلا يجوز لأحد أن يقابل الأبوين بالجفاء والإهمال والإعراض عن حقوقهما وربما أساء إليهما بالفعل والقول وهذا من الجرائم العظيمة فحينما أمر الله بعبادته وحده دون سواه قرنها بطاعة الأبوين فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا إليهما إحسانا وقال عز شأنه ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملت أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا فالمقصود أيها القارئ المحب للفائدة والدخر الدنيوي والأخروي اعلم أن البر بالوالدين من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل وبالأخص الأم لما لها من الحقوق إذا كان على قيد الحياة أحسن إليهما بالقول والفعل وإذا كان بعد الوفاة فإن من بر الوالدين صلة الأقارب إلى الوالدين والإحسان إليهما والدعاء لهما بصفة دائمة والصدقة عنهما عند الإمكان وأداء الحج والعمرة عنهما بحسب قدرة الولد من ذكر أو أنثى وإكرام صديقهما وحقا أقول إنك إن فعلت ذلك فقد قمت بحقوق والديك وأرضيت ربك وكسبت أجرا جزيلا يمنحك الله إياه في دنياك وبرزخك وفي دنياك وبرزخك وأخراك والعكس بالعكس والجزاء عند الله من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. Excellente explication de Cheikh Zayd, رحمه الله تعالى. Lorsqu'il dit, il y a dans ces deux hadiths une mise en évidence claire et une orientation prophétique noble qui implique que la bonté envers les deux parents fait partie des obligations très importantes. Sauf que la mère a 3/4 de cette bonté, et ce en raison de ce qu'elle a subi en termes de difficultés, du début de la grossesse, et ce sans fin pendant toute sa vie, au cours de la grossesse, puis l'accouchement, puis l'éducation, comme cela est connu chez les gens doués de raison. Il n'est donc permis à personne de faire face aux parents en étant rude, dur, négligent, ni en délaissant leurs droits à tous deux. Il se peut même que la personne leur fasse du mal par les paroles ou par les actes, et ceci fait partie des grands crimes. Lorsqu'Allah le Très-Haut a ordonné de l'adorer lui seul sans associé, il a joint à cela l'obéissance aux parents et a dit de ce dont sa traduction du sens est « Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères. » Surat Nisa verset 36. C'est-à-dire soyez bons envers eux d'une grande bonté, envers vos parents d'une grande bonté. Il a aussi dit ce dont la traduction du sens est « Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. » Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché et sa gestation et ses vrages et ce vrage dure 30 mois. Sourate Al-Ahqaf, verset 15. Donc le sens, ô cher lecteur, qui aime les provisions pour ce bas monde et pour l'au-delà, sache que la bonté envers les parents fait partie des actions les plus importantes par lesquelles une personne peut se rapprocher de son Seigneur exalté soit-il et surtout la mère en raison de ce qu'elle a comme droit s'ils sont toujours vivants. Sois donc bienfaisant envers eux par les paroles et les actes. Et si c'est après la mort, c'est-à-dire que si c'est trop tard, ils sont déjà décédés, alors fait partie de la bonté envers les parents de garder les liens. Et d'ailleurs, même si quelqu'un était bon avec eux envers les parents de leur vivant, et bien s'ils sont morts, et bien fait partie de la bonté envers les parents de garder les liens avec les proches des parents, et d'être bienfaisant envers eux, et d'invoquer Allah pour les parents de manière continue, et de donner des aumônes en charité en leur nom, et de s'acquitter du pèlerinage de la Umrah en leur nom en fonction de ses capacités, en fonction des capacités de l'enfant, qu'il soit mâle ou femelle, et de prendre soin de leurs amis, de soin de leurs amis. En vérité, j'ai dit, Cheikh Zayd, il dit, si tu t'acquittes de cela, tu te seras alors acquitté des droits de tes parents. et tu auras satisfait ton Seigneur, et tu auras obtenu une immense récompense qu'Allah te donnera dans ta vie de ce bas monde, et dans ta vie dans le barzakh, et dans ta vie dans l'au-delà. Si tu fais le contraire de cela, eh bien, qu'Allah nous en préserve, tu obtiendras le contraire alors, et la rétribution auprès d'Allah, et venant d'Allah, et du type de l'action, et ton Seigneur n'est injuste envers personne. Allahu al-musta'an. Donc ici, on a fini ce qui concerne le cours de l'adab al-mufrad. On est à 36 minutes. En général, qu'on a dit qu'on se limitait à 30-40 minutes. Mais je pense que il y a une lecture qui s'impose ici, en tout cas qui risque d'être très intéressante. Et c'est pour illustrer, par un exemple concret, le degré auquel on peut arriver quand on est bon envers sa mère. Eh bien, ici, c'est l'histoire de Ouays al-Qarani. Pour les gens qui ont Sahih Muslim, c'est dans Fada'il Sahaba, et puis il y a un chapitre qui est Babun min Fada'ili Ouays al-Qarani, parmi les préséances et les vertus de Ouays al-Qarani. Moi ici, je vais le lire avec l'explication du grand savant Cheikh Mohamed bin Adam al-Ethiopi. Pour ceux qui ont le livre, c'est le volume numéro 40 aux éditions d'Ibn al-Jawzi et c'est page 162 et suivante. Alors, je ne vais pas lire tout le sanad, on va lire juste une partie, pas toute la chaîne de transmission. عن أسير بن جابر أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس فقال عمر هل ها هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدعو باليمن غير أم له قد كان به بياض فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. Qu'est-ce que ça veut dire? Usayr ibn Jabir, il dit qu'il y a des gens, parmi les gens de Al-Kufa, qui sont arrivés et qui sont venus chez Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu arda. Et parmi eux, il y avait un homme qui se moquait de quelqu'un qui s'appelait Ouays. Il se moquait de lui. Et Omar a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici parmi vous, parmi les Qaraniyin? Parce que Ouays, c'est un Qarani, c'est une tribu, si vous voulez, une fratrie d'une tribu, comme on va le voir dans un instant. Et donc, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous de ces gens-là qui font partie de la tribu de Ouays al-Qarani, al-Qaraniyin? Cet homme-là, donc, dont on parlait tout à l'heure, qui se moquait, il est venu, il a dit à Omar, il est venu chez Omar, et Omar lui a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a certes dit, il y a un homme qui va venir chez vous du Yémen. On l'appelle Ouays. Et il était quelqu'un de très bon, il vivait au Yémen, il était quelqu'un de très bon, et envers sa mère. فَقَدْ كَانَ بِهِ بَيَادِ Il avait... Le bayad ici, c'est le sens de al-baras. Al-baras, c'est la maladie que vous connaissez sûrement tous, qu'on appelle le vitiligo. En tout cas en anglais. Et c'est la dépigmentation de la peau. On voit comme il y a des taches blanches qui commencent à apparaître sur la peau et qui commencent à prendre le dessus sur la peau naturelle. Et ça arrive à un point où la personne, en fait, elle a la peau qui devient décolorée, qui est des grosses taches blanches ou carrément qui blanchit complètement. Et donc, Ouays, il avait cette maladie. Et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah azawajal a guéri de cette maladie de tout le corps, sauf un petit endroit de la taille d'un dinar ou d'un dirham. Et donc, celui qui le rencontre parmi vous, qu'il lui demande, qu'il invoque Allah et qu'il demande pardon pour vous. Et celui qui rencontre Ouays, qu'il demande à Ouays de faire dua et de demander pardon pour la personne. Donc, Ouays fasse dua pour lui et qu'il demande pardon pour lui. Alors ici, on va rapporter quelques fawaïd ici par rapport à ce hadith. Quand on l'a dit tout à l'heure, Ouays la yada'u, ay la yatruk, c'est-à-dire qu'il ne délaisse pas bil yamani ghair ummillah, wa huwa barrun biha, dans une autre riwaya. C'est-à-dire qu'il, du Yémen, il a dit, il était quelqu'un qui s'occupait de sa mère et qui était bon envers sa mère. Pour le bayad, on a déjà expliqué, c'était al-baras. Et alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala Ouays qu'il le guérisse de cette maladie, de la peau. Et Allah azza l'a guéri complètement, sauf la taille, comme on a dit, d'un dinar ou d'un dirham. Et pourquoi? شيخ الإثيوبي دي وهذا المقدار دعا الله تعالى أن يبقيه له يتذكر به نعم الله عليه. الله أكبر. Donc Ouais, quand il a demandé Allah عز وجل qu'il le guérisse de cette maladie de la peau, il a demandé qu'il Allah سبحانه وتعالى qu'il le guérisse, mais qu'il laisse cette petite partie pour qu'il puisse se rappeler après les bienfaits d'Allah sur lui. فمن لقيه منكم, c'est le prophète صلى الله عليه وسلم qui dit ça. فمن لقيه منكم, à qui s'adresse ici, c'est-à-dire aux Sahaba. Il dit, regardez le statut de Ouais. Il faut savoir que Ouais, il a pas pu rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui parmi vous, c'est-à-dire parmi vous les sahaba, qui le rencontre, eh bien, qui le demande de faire l'istighfar, c'est-à-dire qu'il demande à Allah azawajal pardon pour vous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça aux sahaba, que si eux rencontrent Ouais, Al-Qarani, eh bien qu'il demande qu'il fasse l'istighfar pour eux. Alors ici, parmi les bénéfices de ce hadith, les enseignements, il y a quelque chose d'évident ici, c'est le miracle du prophète alayhi salatu wassalam qui est apparent parce qu'il a informé de la caractéristique de Ouais et que ça a été exactement comme il a informé. Pourquoi ? Comme il dit le Qurtubi rahimahullah, il dit que justement c'est une preuve claire de la véracité du messager d'Allah sallallahu alayhi wasallam et de ce miracle-là. Et qu'il parlait par la révélation, pourquoi ? Parce qu'il a informé de son nom, de sa généalogie, de sa caractéristique, de ce signe, de ses signes apparents. Et qu'il allait rencontrer Omar. Et tout cela, c'est donc quelque chose qui est du domaine de l'invisible, parce que c'était pas encore arrivé. Et ça arrivait exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé. Et puis ensuite, parmi les bénéfices de l'enseignement de ce hadith, eh bien c'est quoi? C'est qu'il y a la vertu, le statut haut de ce tabi'i, de ce tabi'i ou al-Qarani, et qui est un noble tabi'i. Et que c'est même khayru tabi'in, que c'est le meilleur des tabi'in, comme l'a dit le hadith, comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs, l'imam Nawawi, rahimahullah, il dit que ceci est clair et explicite, que c'est le meilleur des tabi'in. Mais il se peut qu'il soit dit que Ahmed ibn Hanbal et d'autres ont dit que le meilleur des tabi'in, c'est Saïd ibn Musayyib. Bien, encore une fois, il y a une explication du ulama par rapport à ça, et c'est que le sens de cela, c'est que Saïd ibn Musayyib était meilleur dans les sciences de la religion, le tafsir, le hadith, le fiqh, etc. Mais pas en termes de bien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les enseignements ici, et c'est justement pour ça qu'on rapporte dans ce cadre de ce cours, c'est qu'il y a le haut statut et la préscience et la vertu et le mérite d'être bon et bienfaisant envers les parents. Wa fadl uzlati wa ikhfa' al-ahwal, et le fait de pas vouloir se montrer devant les gens et d'être discret et de vouloir se cacher, de rester incognito, de rester inconnu, comme on va le voir dans un instant, parce que c'était une des caractéristiques de Ouais al-Qarani rahimahullah ta'ala. Istihbab talab al-istighfar wa ad-du'a min ahli al-salah, le fait que c'est recommandé de demander aux gens de bien qu'il fasse dua et qu'il fasse l'istighfar, wa in kana at-talib afdal minhu, et même si celui qui demande est meilleur en termes de religion que celui à qui cela est demandé. Bayan, ça c'est important ici. Bayan ahwal as-salihin al-mukhlisin, la mise en évidence de l'état des vertueux sincères. Fa innahum yuhibbun al-khumul wa 'adam adh-dhuhur, car ils aiment rester inconnus, incognito, et n'aiment pas se montrer. Pourquoi ? لأنه أعون على صلاح القلب, car cela aide à la réforme du cœur et à ce que le cœur reste bon et sain. وعدم الغرور, et de pas être imbu ni dupé par sa personne et devenir arrogant. والعدو بالله. وعدم الغرور والإعجاب بالنفس. Alors écoutez ici, quand il a dit إن استطعت أن يستغفر لك فافعل, si tu es capable qu'il demande pardon à Allah pour toi, fais-le. Ici, il ne faut pas comprendre que Ouais, il est meilleur qu'Omar. Et que Omar, ce ne lui est pas pardonné. L'ijma, l'unanimité, c'est qu'Omar est mieux que lui. Pourquoi ? Parce que Ouais, c'est un tabi'i, alors qu'Omar, c'est un compagnon. Ensuite, écoutez le texte suivant. Avec l'isnad, Omar ibn al-Khattab, il a dit, إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم. Omar ibn Khattab, il a dit, j'ai certes entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, le meilleur des tabi'in est un homme qu'on appelle Ouais. Et il a une maman. Et il avait la maladie qu'on a citée tout à l'heure, le baras. Famuruhu falyastaghfir lakum. Trouvez-le et demandez-lui qu'il demande un pardon à Allah pour vous. Ensuite ici, et ça c'est un hadith qui est plus long et qui montre encore le fadl de ce Ouais al-Qarani et dont on va tirer des enseignements. عن أسير بن جابر قال كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس فقال أنت أويس بن عامر قال نعم قال من مراد ثم من قرن قال نعم قال فكان بك برس فبرأت منه إلا موضع درهم قال نعم قال لك والدة قال نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برس فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة وبها وهو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لي فاستغفر له فقال له عمر أين تريد قال الكوفة قال ألا أكتب لك إلى عاملها قال أكون في غبراء الناس أحب إلي قال فلبى كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس قال تركته رث البيت قليل المتاع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برس فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة وهو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فأتى أويسا فقال استغفر لي قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي قال استغفر لي قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي قال لقيت عمر قال نعم فاستغفر له ففطل له الناس فانطلق على وجهه قال أسير وكسوته بردة فكان كلما رآه إنسان قال من أين لأويس هذه البردة. Ce magnifique hadith ici où Omar ibn Khattab, lorsque des gens venaient du Yémen, il leur posait la question, il les questionnait. Est-ce qu'il y a un homme parmi vous qui s'appelle Ouais ibn Amir? Jusqu'à ce qu'un jour il trouve Ouais ibn Amir. Il lui a dit, est-ce que c'est toi Ouais ibn Amir? Il lui répondit oui. Il lui a dit, de Mourad, c'est-à-dire de la tribu de Mourad? Il a dit oui. Il a dit de la fratrie de Qaran qui fait partie de la tribu de Mourad? Il a dit oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle Qarani. Il dit, est-ce que tu as une maman? Il a dit, na'an, oui. Il dit, j'ai certes entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, un homme qui s'appelle Ouais ibn Amir va venir chez vous parmi des gens du Yémen. Min Mourad, de la tribu de Mourad et de la fratrie de Qaran, qui avait un bar sur la peau et dont il a guéri sauf la taille d'un dirham. Regardez la précision de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé, alors qu'il ne l'avait pas vu. وهو بها وله والدة وهو بها بر لو أقسم على الله لأبره الله أكبر. Regardez le degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit il avait une mère, il était bon envers elle. لو أقسم على الله لأبره. S'il demandait Allah azza wa jal, c'est une des explications des ulama, eh bien Allah azza wa jal lui le donnerait par ikram de sa part, par bonté de sa part Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, si tu peux qu'il demande pardon à Allah pour toi, alors fais-le. Donc c'est Omar qui parle ici. Il dit, fastaghfirli. Demande donc pardon à Allah pour moi. C'est Omar qui lui demande, radiallahu anhu. Fastaghfirli. Il demanda donc, oui, il a demandé pardon à Allah pour Omar. Faqala le Omar, aina turid, où est-ce que tu veux aller? Il a dit à Koufa. Et Omar lui dit, est-ce que tu veux que j'écrive au gouverneur de l'endroit pour qu'il prenne soin de toi? Et regardez encore une fois la caractéristique de Ouais. Il dit, akunu fi ghabra innas yahabbu ilay. C'est pas nécessaire que tu écrives au gouverneur pour qu'il prenne soin de moi, mais je préfère faire partie des gens pauvres et va-nu-pieds, que les gens auxquels personne ne prête attention. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ l'année d'après, un homme parmi les nobles de ces gens-là a fait le hajj. Et donc il est tombé sur Omar. Et Omar lui a demandé encore sur Ouais. Il a dit, je l'ai laissé là-bas comme quelqu'un qui n'a pas, qui est très pauvre. Il n'a rien à la maison, il n'a rien, il n'a pas de matar, il a rafel bait. Il a très très peu de choses. Il est très pauvre. Il dit, Omar, j'ai certes entendu le messager d'Allah me dire, un homme qui s'appelle Uwais ibn Amir va venir vers vous, parmi les gens du Yémen, de Mourad, de Qaran. Et il avait un baras, il en a guéri, sauf l'endroit d'un dirham. Et il a une maman, et il est très bon vers sa maman. S'il demandait à Allah, Allah lui donnerait certes ce qu'il demande. Si tu es capable qu'il demande pardon à Allah pour toi, alors fais-le. Donc cet homme-là, après, quand il est revenu du Hajj, il a été chez Uwais. Il a dit, en appliquant ce que Omar il a dit, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Omar, il lui a dit, demande pardon à Allah pour moi. Et regardez la réponse d'Uwais. Il a dit, mais toi, tu viens de revenir, par rapport à moi, d'un voyage qui est un voyage vertueux. Tu viens de revenir du Hajj. Donc c'est toi que tu me demandes pardon à Allah pour moi. Et puis il a répété l'homme. Il a dit, ah Uwais, de nouveau, demande pardon à Allah pour moi, Uwais. Et puis Uwais lui a répondu, toi, tu viens de revenir d'un voyage pieux, tu viens de venir de pèlerinage, donc toi, tu demandes pardon à Allah pour moi. Et puis il lui a dit, est-ce que tu as rencontré Omar? Uwais lui a dit, il a deviné, il a dit, est-ce que tu as rencontré Omar, toi, al Hajj? Il a dit, na'am. Et donc il demanda pardon à Allah pour lui. Et puis, fatana lahun nas, les gens ont commencé à comprendre et à voir le degré de Uwais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Uwais, il s'en est allé. Qal Usair wa kasawtuhu burdatan, je l'ai vêtu d'une burda, d'une tunique. Et chaque fois que les gens le voyaient avec cette tunique, ils disaient, d'où est-ce que Uwais il a cette tunique? Pourquoi? Parce qu'il était connu pour être très très très pauvre et avoir très très peu de choses. Donc ici, on voit, subhanallah, le degré de Uwais. Et à tel point que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a enjoint les compagnons que quand il y a des gens de cette région-là qui viennent et qui trouvent Uwais ibn Amir, un homme qui s'appelle Uwais ibn Amir, il l'a décrit de manière tellement précise, et qu'il demande pardon à Allah pour eux. Alors que, comme on l'a dit avec unanimité, c'est que les sahabas sont mieux que les tabi'in. Même si Uwais al-Qarani c'était le meilleur des tabi'in, il est malgré cela en dessous du degré d'un compagnon. Wallahu al-musta'an, Allahu al-musta'an. Et donc on voit ici que justement Uwais c'est pas quelqu'un qui cherchait d'être connu, c'est pas quelqu'un qui cherchait la dunya. Et c'est quelqu'un qui était vertueux et qui justement le prophète ça m'a décrit comme étant bon envers sa mère. Et il a aussi décrit le statut de cette personne. Et qu'Allah nous facilite d'être bons envers nos parents et surtout envers nos mères, et qu'Allah nous pardonne nos manquements et nos erreurs. Et non, c'est pour terminer que je m'adresse à moi-même d'abord et à tous mes frères et sœurs en Allah Azzawajal qui écoutent ici ou qui vont écouter l'audio plus tard. C'est que il n'est pas trop tard, si vos parents sont encore vivants, de courir chez eux, leur demander pardon et d'ouvrir une nouvelle page avec eux. Comment est-ce qu'on peut arriver à un degré où des musulmans, par exemple, ils parlent mal à leurs parents, ou ils soufflent à leurs parents, ils font ouf, comme ça à leurs parents, etc. Alors qu'Allah, dans le Coran, il a dit « La taqul lahuma uffin wa la tanharuhuma » Et les ulama, ils ont dit que ça avait quelque chose de moins que « ouf » Allah Azza wa Jalla l'aurait interdit. Yani même « ouf », tu ne peux pas dire. Il y a des gens qui répondent à voix haute, qui parlent mal à leurs parents, qui ne les calculent pas, qui, à la limite, ne passent même pas les voir, ne s'occupent pas d'eux, ou l'adou billah, encore pire, qui arrive peut-être à un degré où ils coupent les liens avec eux, ou pour certains, parmi les pires, carrément, ils en viennent aux mains, ils tapent leurs parents, ou ils les insultent, etc., etc., etc. Wal'adou billah. Comment est-ce qu'on peut arriver à ce degré-là? Wal'adou billah. Si quelqu'un arrive à ce degré-là, comme on l'a dit tout à l'heure, la porte de la taouba, elle est toujours ouverte. Il faut le faire tant que ce n'est pas trop tard. Et si les parents sont décédés, eh bien à ce moment-là, on a ce qu'on a dit tout à l'heure, faire doua pour eux, faire le hajj al-umra en leur nom, faire sadaqa en leur nom, etc., et de prendre soin de leurs proches et des amis qu'ils avaient avant, etc., etc. Wallahu alam, qu'Allah nous facilite à tous, qu'Allah nous pardonne nos péchés et nos manquements. Wallahu alam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.